bonjour à tous, vous êtes dans Plus que du métal, lundi 8 février, on vient d'écouter le dernier System of a Down, Genocidal Humanoids, une très belle surprise d'ailleurs. Une version encore confinée de Plus que du métal, mais une version confinée avec un interview du groupe Weefall qui vient de sortir le Spectre is Hunting the World. Donc on a eu une petite interview sous Zoom. Que nous écouterons tout au long de l'émission. D'ailleurs, on va tout de suite écouter la première partie de cette interview. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, bonjour Fabien, bonjour Thibaut, merci d'être venu. Hein, sympa dans Plus que du métal. Version confinée. Merci à toi. Version pas en direct du tout, comme d'habitude, depuis un an. Bon. Bref, merci d'être venu. On va parler de Spectre is Hunting the World, le dernier album en date de décembre. Hein, un très, très bon album, d'ailleurs. Juste avant, on ne sait jamais. Il y en a peut-être qui ne vous connaissent pas. Donc, je vais faire un petit résumé de votre groupe. Vous me dites si je fais des erreurs, d'accord ? Ok. Donc, on a Fabien. C'est donc toi là, au chant et à la guitare. Maxime Année à la batterie. Florian Rambourg à la guitare. Thibaut Marquis à la basse et donc Thibaut qui est avec nous. Hein, guitare, clavier et cœur. Je ne fais pas d'erreur là, c'est bon. Non ? Enfin, je ne fais plus de clavier. Je ne fais plus de clavier, d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est bien de faire la précision. Bref, originaire de Nancy, donc vous débutez en 2010 avec un EP. From the Blazing Sky at Dusk et surtout donc le premier album en 2012, Interzone, et le fameux double album Glasswood Point en 2015. 2017, c'est The Last Atrocity Reports, suivi d'un album de remix, et c'était là qu'on s'était vu, je crois que l'album de remix était en cours de travail. Et enfin, en 2020, l'excellent Spectre is Hunting the World. Ça va, j'ai pas fait d'erreur. Écoute, non, il y a deux albums, ça dépend comment tu vois ça, mais il y a deux albums de remix qui sont sortis en 2020, du coup. Ah, il y en a deux pour un des deux, ouais. Ah, bah, tu vois, alors moi, déjà, personnellement, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, et bon, bah, voilà. Donc, deux albums. De toute façon, ouais, on va juste... Oui, vas-y. Non, je disais juste que c'était deux sept titres, donc on va dire deux courts albums, quoi. Voilà. Deux courts albums, ok. Et ben justement, cet album de remix, avant de venir à l'actualité de 2020, comment s'est monté ce projet et pourquoi cette envie de ces deux albums de remix au final ? Eh bien, c'était une envie assez naturelle dans le sens où on avait The Atrocity Report, tout ça. Enfin, on est quand même pas mal on a des bases dans le milieu industriel, disons, dans l'esthétique industrielle, de la musique industrielle. Et souvent, dans ces milieux-là, en fait, il y a toujours un petit peu ces albums de remix, tu vois. Et puis, il y a un côté vraiment amusant, en fait, de filer les clés un peu de ta musique à quelqu'un, lui donner carte blanche. Et puis, lui, il en fait ce qu'il veut. Et puis, t'as une sorte de surprise, tu vois, à la fin. L'artiste met du sien dans avec ta musique. Donc, moi, je trouve ça assez amusant. Et donc, du coup, en fait, on s'est dit que on allait filer des morceaux, tu vois, à des gens qui étaient intéressés. Puis du coup, on a eu beaucoup de réponses positives. Et donc, ça a fait ces 14 titres, en fait, de remix, quoi. Voilà. Et comment s'est fait le choix des remixeurs et même des titres, quelque part ? Alors, le choix des remixeurs, c'était en gros, la plupart sont des gens qu'on connaissait déjà à la base. D'accord. Tu vois, qui venaient d'autres projets. On s'est dit, bah, tiens, ça serait cool de demander à cette personne-là, parce qu'on aime bien son univers, on aime bien l'esthétique. Donc, tu vois, par exemple, pour Joe d'Ezekiel, c'était Thibaut, le bassiste, d'accord, qui avait bossé avec eux sur un site pour son taf. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, tiens, Joe d'Ezekiel, il aime bien ce qu'on fait. Donc, pourquoi pas lui proposer un morceau, enfin lui proposer de faire un remix. Et en fait, eux, ils ont choisi après le morceau qu'ils voulaient faire parmi ceux de Atrocity Reports. Voilà. Donc en fait, c'est les remixeurs qui choisissaient eux-mêmes leurs morceaux. Ouais, exactement. Ah, ok. Et vous êtes un groupe qui avait beaucoup évolué en fait depuis le début, parce que vous avez carrément évolué dans le sens musical. On en vient à, vous faites actuellement un peu d'un. De, parle un peu de l'indus, post-hardcore, alors qu'avant, au tout début, ce n'était pas du tout ce style-là. Donc, vous êtes clairement un groupe qui cherche à expérimenter. Quelles seraient les voies que vous chercheriez encore à expérimenter à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez des envies? Bah, écoute, des envies. Ça peut être de tout, hein, du jazz. Bon, en fait, je pense que tu vois, il y a pas vraiment d'envie, c'est très très cadré. Donc ouais. En fait, je crois que ça va être ce qui va être une influence au moment où je vais composer, tu vois, les albums. Et puis ouais, je sais pas. C'est une question un peu difficile parce que pour le coup, moi tout ce que je sais, c'est que les prochains albums, ils vont pas se ressembler. Voilà, c'est le seul truc dont je suis certain. Eh ben, ça c'est une belle réponse. Après, tu vois, moi je suis pas contre, tu vois, mettre des trucs de jazz dedans. Tu vois, c'était dans Glassroom Punk, il y avait beaucoup de choses qui sortaient vraiment de l'univers métal au final, rapportées derrière dans l'esthétique. Et puis là, pareil pour le tout dernier. Il y a beaucoup de choses au final qui ont été prises, tu vois, dans des esthétiques même un peu trap rap, tu vois, avec tous les charlés et tout, et beaucoup de musique électronique et de techno. Ça peut être un peu bizarre, mais dans tout ce qui est rythme hypnotique et tout ça a été composé à partir de d'influences plus techno et musique électronique, tu vois. Okay. Après, est-ce que ça s'entend? Tu vois, dans le résultat, je sais pas trop, mais du coup, tout ça fait partie de la musique de Will Fall, quoi. Donc d'accord. Après, quelles sont les influences de chacun d'entre vous, en fait? Bah, si Thibaut, ouais. Tu veux commencer. Thibaut. Alors, moi, disons que mes grosses influences, ça va partir sur du Cult of Luna ou du Neurosis, ce genre de musique. Okay. Mais après, c'est vrai que j'écoute pas tellement de métal. Enfin, j'en écoute, mais assez peu au final. Donc, par exemple, en ce moment, j'écoute énormément d'Étienne Dao, ce genre de truc. En fait, il n'y a pas vraiment une influence précise. Disons que ça part un peu dans tous les sens et c'est en fonction des périodes aussi. Donc là-dessus, des influences, oui. Mais très très diverses, quoi. Il n'y a pas une influence précise. Ces influences ne sont peut-être pas assez fortes non plus pour influer, je dirais, sur un album ou pas. Disons que, toute la composition part de Fabien. Donc, là-dessus, c'est plutôt lui qui a ses influences. Et ensuite, nous, derrière, avec nos goûts perso, on affine, disons, on élague. Les compos de Fab, quoi. Donc, je dirais que les influences premières, elles viennent de Fabien. Et ensuite, voilà, on essaie de jongler avec les goûts de chacun, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Au départ, j'amène les maquettes. En fait, je fais des maquettes, je compose le tout. Et après, en fait, on en discute tous ensemble avec le groupe. Et là, eux, tu vois, comme moi, j'ai pas beaucoup de recul sur ce que je fais, a priori, tu vois. Enfin, j'ai pas beaucoup de recul. Enfin, tu vois, c'est toujours difficile de se distancer par rapport à ce que tu fais, quoi. Bien sûr, ouais. Ben, eux, du coup, ils arrivent à dire, bah, ça, c'est intéressant, ça, c'est cool, il faudrait peut-être ajouter ça. On est là, que ce morceau, il sert à rien. Enfin, bref, tu vois, ce genre de choses. Et c'est ça, en fait, effectivement, avec les influences de chacun. Tu vois, effectivement, Thibaut... Donc il écoute pas. Je crois que il y a pas grand monde qui écoute énormément de métal dans le groupe, peut-être à part moi et Maxime. Ok. Je pense que ça va se résumer à ça parce que Flo est peut-être plus rock, je dirais, et Thibaut Marquis, lui, il est carrément dans l'électro, quoi. Ça c'est et le post-rock un peu comme Thieb aussi, pareil, je pense. Il va y avoir tous ces trucs là. Et donc du coup c'est assez intéressant, tu vois, de discuter et puis de dire bah voilà, ça je le verrais bien comme ça, pas ça, enfin tu vois, etc. Ouais, ça fait un échange d'idées en fait, tout ça. Voilà, donc première partie de Willfall. Willfall qui a donc sorti A Spectre is Haunting the World en décembre 2020. Bah, une petite critique quand même, très bon dernier album, donc au travers d'une musique puissante avec des riffs encore aussi puissants, un son indus présent et une voix enragée, sauf sur un morceau, Cold and Pure. La première écoute peut être compliquée, c'est vrai, car c'est un album dense, une musique agressive avec une atmosphère sombre, mais après plusieurs écoutes, cet album est vraiment bon, avec comme pépite, comme le premier titre, Milways to Hell, A Man, qui nous met tout de suite dans l'ambiance, mais il y a aussi, alors moi mes deux préférés, c'est Wisdom is More Erotic When Wasted, dont les lignes de guitare sont magnifiques, et le très lourd Perverse Technology. Bref, un album riche, créatif et inventif. Et ben on va écouter Wisdom is More Erotic When Best When Wasted. I let it wander. Donc premier morceau, Wisdom is More Erotic When Wasted, et on continue avec cette interview de Willfall avec la partie 2. En 2020, donc, vous avez sorti ce nouvel album en décembre. Donc, avant d'attaquer vraiment dans le vif du sujet de l'album, ça n'a pas été trop dur de travailler. Donc, vous avez dû travailler, commencer de travailler en plein confinement, je suppose. Au moins composer. Il y a eu l'enregistrement. Enfin, ça n'a pas été trop dur. Plus tout ce qui suit encore, tout ce qui suit par la suite. Je sais qu'on en avait parlé la dernière fois. Vous aimez bien la scène. Et là, il y a un peu de frustration, enfin un peu, je dirais même beaucoup. Donc, comment vous vivez tout ça? Et est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que c'est le bon moment de sortir? Pourquoi l'avoir sorti finalement en plein… vous n'avez pas de chance de le défendre sur scène, en fait, cet album. Ouais. Bon, en fait, après, l'histoire de l'album, elle a un peu… ça a pris plusieurs chemins, tu vois. Ça a été commencé avant 2020. Ça a été fait… les batteries ont été enregistrées en 2019. Ouais. Et ensuite, après, je me suis laissé une largesse de composition, on va dire ça vraiment, tu vois. Et j'ai fini la composition vraiment avec toutes ces batteries et tout pendant le premier confinement. Et c'est là où, ça s'est enregistré. Mais du coup, en fait, je pense que j'avais vraiment envie de sortir l'album en 2020. Tu vois, je sais pas. C'était vraiment une envie, une sensation de se dire, bah, celui-là, j'ai l'impression que il faut qu'il sorte cette année. Enfin, tu vois, parce qu'il me semblait pertinent, que ce soit au niveau du concept, de la musique et tout. Je ne me voyais pas le sortir plus tard, okay, au risque, tu vois, d'être déconnecté un peu de l'énergie qu'il y avait sur cet album-là, tu vois. Okay. Et ouais, alors par contre, effectivement, de se dire ça et qu'en même temps, il y ait tout ce bordel-là avec le Covid et tout, effectivement, on ne peut pas le défendre sur scène, sachant que, comme tu l'as dit, on aime bien ça parce que c'est le côté punk aussi de cette musique-là, tu vois. On a envie forcément d'être à la rencontre du public, tu vois, de partager un truc, quoi. Donc, ouais, bah là, on apprend à faire sans, quoi. Tu vois, on fait des concessions. Et puis, mais quelque part, tu vois, là, on le défend comme on peut déjà sur les réseaux, sur Internet. Et après, il y aura une deuxième vie de l'album sur scène, donc bon. Un peu comme tous les albums qui sont sortis cette année, je veux dire, il y a une paire d'albums, de très bons albums qui sont sortis, et disons que ça n'a pas arrêté tous les artistes de sortir des albums, quoi. Heureusement, parce que sinon, il ne resterait plus rien. Donc, ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est aussi une volonté, peut-être un peu, de faire fonctionner les choses d'une autre manière qu'avec le live, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc, parlons de cet album, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler donc des idées et du thème de cet album? Parce qu'il y a des idées et un thème, et il n'y a rien de mieux que vous pour en parler, finalement. Alors, du coup, l'album, donc c'est encore un concept album, parce que dans Will Fall, on aime bien tu vois, avoir des concepts albums, raconter des histoires. Donc voilà. Donc celui-là, en fait, il raconte l'histoire d'un homme qui est un homme lambda comme toi, moi, Thieb, qui est ici, et qui se retrouve finalement à être sur le point d'assassiner le président du Fonds monétaire international. Et donc ça, c'est le premier morceau. Et en fait, tous les autres morceaux raconte des souvenirs qui essayent d'expliquer, ou en tout cas de retracer l'histoire de ce mec-là, de citoyen lambda à terroriste, tu vois, finalement, quoi. Voilà. Voilà l'idée. Ça c'est mon avis, hein, on sent une petite influence. Moi, je suis un grand fan de Sepultura, de Max Cavalera. Bon, j'ai ressenti un peu ça. Voire même, je suis peut-être un peu moins sûr de Meshuggah. C'est voulu, c'est pas voulu, tout ça? Et est-ce qu'il y a d'autres influences que j'ai pas vues, que j'ai pas entendues? Bah, tu sais, en fait, le truc avec les influences, c'est que souvent, c'est les autres qui nous les apprennent. Parce que, tu sais, justement, toi, t'as le recul, tu vois, avec ta propre culture, tu dis, ah, mais tiens, mais attends, il y a peut-être ça et tout dedans. Et Meshuggah, c'est vrai que ça revient, ça fait plusieurs albums que ça revient. Alors que pour moi, pour moi, il n'y a pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas. Si, mais en y réfléchissant, tu vois, derrière, tu fais, ah ben si, oui, quand même, parce que ça représente ce sont des albums, le premier album de Meshuggah, ça reste quand même un album que j'ai poncé beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais au collège, quoi. Donc forcément, il y a cette idée-là, quoi. Et Sepultura, en même temps, je vois aussi pourquoi tu dis ça. Ouais, certainement, tu sais, au niveau des rythmes qui sont un peu plus tribaux. C'est ça. Voilà. Et Meshuga pour tout le côté, effectivement, avec les rythmes un peu hypnotiques aussi, qui restent un peu groovy. Et ouais, ça se rejoint. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thiev, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même, je pense, par exemple, sur le premier morceau de l'album, qui est quand même le premier riff direct qui est inspiré d'un rythme brésilien. Donc, quand même, il y a une certaine... C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on ne peut pas nier que c'est une certaine influence dans le sens où ça vient du Brésil. Donc, fatalement, métal et Brésil, bon, on retrouve peut-être un peu ce côté Sepultura. Voilà. Ça, c'est sûr qu'on pense tout de suite, à Maxi Alveira et à Sepultura. C'est encore plus flagrant que je le pensais, du coup. Merci. C'était pas flagrant, hein. C'était pas flagrant. Mais au fur et à mesure des écoutes, bon, quand même, quoi. ce dernier album, est-ce qu'on peut dire que c'est le cycle, c'est le départ d'un nouveau cycle? Je sais pas, hein, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est le départ d'un nouveau cycle et que l'album de remix était la fin d'un ancien cycle? Et si tu me permets, pourquoi tu penses que ça sera un nouveau cycle? Alors, je sais pas. Je sais pas, mais ça pourrait coller puisque les deux premiers albums, enfin du moins jusqu'au double Gasu Point, on était plutôt dans un style stoner, hein, ok. Et tout de suite après, on est repassé donc à un côté beaucoup plus indus, beaucoup plus post-hardcore. Ce que ce nouvel album représente aussi, mais ça aurait pu être bien, tu vois. On fait un album de remix à la fin d'un cycle et hop, on recommence sur un nouveau cycle. Après, je me trompe peut-être, je vous pose la question. Bah, du coup, c'est non, c'est une bonne question. Comme je te disais, je ne sais pas trop. Étant donné qu'effectivement, le prochain, il sera différent. Bon, après, à voir, quoi. Mais bah, perso, moi, je vois quand même une sorte de ligne rouge entre depuis Glassroom Point jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Spectre, du coup. Ouais. Parce que, pour moi, ça paraît cohérent. Hein, parce que, bon, voilà, je suis à l'intérieur, donc forcément, ça j'ai paraît pas dit que ça ne l'était pas. Oui. Mais tu vois, effectivement, avant, c'était stoner. Et voilà, clairement, c'est pas du tout la même esthétique, même la même idée de la musique qu'il y avait jusque sur ce début. Mais est-ce que ça serait la fin d'un cycle? Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il représente quelque chose d'assez fort. En tout cas, celui-là, peut-être par rapport à... Enfin, les autres aussi représentent quelque chose d'assez fort. Je suis en train de m'embrouiller du coup, donc je sais pas. Écoute, la question elle est con. Disons que au tout départ, quand on avait commencé à mettre en place l'album Glassroom Point, on était parti sur un triptyque, un triple album justement, ouais. Clairement qui ferait une grande histoire, une grande tous les albums seraient liés, donc ça voudrait dire Glassroom Point, Atrocity et Spectre qui viennent sortir là. Donc, au tout départ, ça aurait été la fin du cycle. C'est vrai. Après, est-ce que cet album veut dire la fin d'un cycle ou le début d'un autre? Je sais pas, on parle de ça il y a des années. Donc, ouais. Voilà, à voir comment les choses évoluent, mais en tout cas, je sais pas. Disons que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire le concept du nouveau, là, de Spectre, du coup, qui s'appelait pas comme ça, c'est vrai que c'était parti aussi sur l'idée, sur l'idée que ça pouvait rejoindre l'univers de Glassroom Point. Comme Atrocity, normalement, devait aussi rejoindre cet univers-là. Ouais. Mais c'est un album un peu difficile à mettre en place, à enregistrer. Donc, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu vraiment de concept derrière cet album-là. Après, mais du coup, ouais, le dernier n'est pas relié, en tout cas, aux deux autres histoires. Donc... Effectivement, si on prend selon Thiéb a raison, c'est vrai qu'au départ, ça devait être une sorte de trilogie et tout. Donc peut-être que finalement, ça. Mais Mais musicalement, je trouve qu'il y a, il y a une vraie, un vrai fil rouge, une vraie évolution entre Glastropoint et le dernier, quoi. Okay. Voilà. Okay. Ouais, et les trois se relient entre eux d'une manière plutôt logique, je trouve. Ouais, moi, je trouve que, tu vois, le tout dernier, il arrive, en fait, à, personnellement, en tout cas, c'est ce que je pense, à marier un peu les ambiances qu'il pouvait y avoir dans Glastropoint, tout le travail d'ambiance avec tout le côté un peu plus énergique et punk et revendicateur qu'il y avait dans Atrocity Reports. Tu vois. Là où Atrocity Reports et Glastropoint étaient assez presque opposés, on va dire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui prenait énormément son temps pour raconter une histoire, une narration et tout, et l'autre, Atrocity Reports, qui allait vraiment direct, brutalement à l'objectif. Là, celui-là, je pense qu'il arrive à marier un peu ces deux aspects du groupe, tu vois. Ok. Donc, il y a peut-être une forme définitive par rapport à ça, tu vois. Ouais, finalement, c'est peut-être la fin du cycle, là. On verra. Là, on tient quelque chose. En 2022, là, c'est une autre question piège. C'est les 10 ans d'Interzone. Ouais. Je sais pas. Alors, soit vous le mettez de côté ou vous avez envie de faire un petit truc ou vous n'y avez pas réfléchi. Ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. En fait, on aimerait bien peut-être, tu vois, parce que c'est pas des albums qu'on renie avant Glastropoint. Tu vois, ça fait partie de l'histoire de Will Falls, ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas changé de nom, tu vois, même si on a changé de style musical. Donc, c'est pas quelque chose qu'on renie. C'est vrai qu'on les joue plus depuis des années, du coup, en concert, parce que voilà, ça correspond plus trop, quoi. Mais ça fait quand même quelques temps qu'on se dit, ça serait peut-être bien d'essayer d'adapter, de reprendre ces morceaux, de faire quelque chose avec, qui puisse nous ressembler maintenant. C'est vrai que 2022, je n'avais même pas pensé que c'était les 10 ans, du coup, mais ça pourrait être, mais ça demande du travail pour le moment. et pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu le déclic, mais bon, je trouve que c'est un exercice qui serait intéressant à faire, tu vois, de reprendre quelques morceaux et puis essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à notre nous de maintenant, tu vois. Ouais. Ça serait donc un réarrangement pour refaire un album ou juste sur scène, en fait? Alors ça, j'en sais strictement rien. Bon, bah, c'est pas mal. T'as dit, Thibaut? Il y a certains fans de Stoner qui aimeraient peut-être bien qu'on les rejoue en concert. Faudrait voir. En plus, ouais, il y aurait ça, quoi. Ah oui, il faudrait qu'on remette des casquettes et des chemises à carreaux pour Stoner. Voilà donc la deuxième partie. Allez, on va enchaîner avec le très très lourd morceau Perverse Technology, très très lourd mais très très bon. Allez, c'est parti. prévu pour Will Fall les mois prochains, on va dire, si tout s'arrange bien. Est-ce que vous avez déjà été contacté quand même pour faire des concerts, des festivals ou pas? Et est-ce que vous profitez de cette nouvelle période de pause pour composer ou pas? Vous en avez vraiment marre après cet album? Voilà, c'est plusieurs questions qui se regroupent, c'est pour ça. Alors, pour le coup, je vais commencer par la composition. Pour le moment, tu vois, étant donné que c'est sur mon label que sort l'album, donc No Good to Anyone, ouais. La production, et du coup, pour le moment, moi, j'ai vraiment envie de finir de sortir cet album déjà, tu vois. Okay. Parce que bon, avec toute la période du Covid, en fait, ça a impacté énormément de monde, tu vois, dans le secteur culturel, mais aussi, tu vois, sur, par exemple, les usines de vinyle. Et tu vois, j'attendais encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois, que les vinyles arrivent parce qu'ils étaient en manque de matières premières. Il y avait des délais énormes étant donné que, enfin, tu vois, tout le monde a dû faire avec le confinement, les couvre-feux, les grosses demandes des labels, etc. D'accord. Donc, déjà, que cette sortie se finisse, tu vois, c'est un peu ça. Et après, moi, j'ai envie de dire la composition, si j'ai envie de composer, je composerai, tu vois. Ça va pas être selon s'il y a un confinement ou qu'il y ait une pause, tu vois, dans le live. Alors évidemment, ça donne envie de faire de la musique, ça c'est sûr. Mais là, je crois que avec le groupe des gens, on va essayer d'essayer de nouvelles choses, en tout cas, pour pouvoir jouer sans être en live. Enfin, tu vois, faire quelque chose, proposer quelque chose d'autre en s'adaptant à la situation. Okay. Là, pour le moment, je suis pas sûr d'avoir envie, tu vois, de penser à un album futur, sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, on l'a pas encore vraiment défendu, donc c'est un peu. Alors peut-être qu'on fait partie de l'ancien temps, hein, peut-être que, tu vois, même moi, je suis jeune et tout, mais peut-être que on devrait plus réfléchir à défendre un album en live, hein, j'en sais rien. Mais là, pour le moment, tu vois, c'est un peu bloqué, tu vois. Oui, tu m'étonnes. Il y a un moment ou un autre, ça va aller mieux. Vous êtes contacté quand même pour faire des concerts, des festivals et autres? Alors, en ce moment, on n'a pas. On a essayé de faire énormément de bookings, en tout cas, pendant toute cette année. Et bon, pour le moment, c'est un peu la galère. Hein. On ne va pas te cacher, quoi. C'est hyper compliqué pour tout le monde, hein, même pour les organisateurs, les assos et tout. Donc forcément, personne ne prend de risque de prendre des décisions tant que l'avenir est flou. Donc à partir de là, donc c'est en stand-by, quoi. On essaie, on a des contacts par-ci par-là, mais c'est toujours sous réserve d'eux. Donc voilà, on est comme tout le monde dans l'attente. Malheureusement, oui. Bien, alors la dernière question, ça va être une dernière question piège encore. Yes. Comment vous voyez dans 10 ans? Ah. Comment vous voyez dans 10 ans? Ah, je vous l'avais dit. Hein. Bah, écoute, moi, Will Fall, dans 10 ans, j'espère que ça existera encore. Enfin, je crois, j'en suis sûr. Et puis, bonne question, hein, encore question piège, effectivement. Je pense que dans 10 ans, on aura sorti un album que aujourd'hui, j'aurais même pas. Tu vois, je me suis dit, ah, putain. Ouais. T'as osé faire ça. J'espère que ça sera ça dans 10 ans. Dans 10 ans, on se regardera tous comme ça, en train de boire des coups dans le groupe. Et puis on se dit, ah, putain, eh ben, si on avait su qu'on allait sortir ça, ça aurait fait, on serait foutu notre gueule, tu vois. Voilà. Ouais, écoute, on viendra faire une interview en vrai. Pour défendre cet album. Ouais, j'espère que c'est quand même plus simple en studio. Hein. Écoutez, vous avez d'autres choses à rajouter, peut-être? Alors, juste peut-être, effectivement, on n'en a pas trop parlé, mais cet album-là, il est accompagné d'un fanzine aussi. Oui, c'est vrai. D'un petit format de quelques pages où en fait on a demandé, comme pour les remixes, c'est un peu la même chose, tu vois, c'est-à-dire qu'on a demandé à des artistes graphiques cette fois-ci d'illustrer le morceau de leur choix, et on leur a donné carte blanche, et donc du coup ils nous ont fait des illustrations pour ce fanzine, quoi. Et donc, bah, voilà, c'était une façon aussi, tu vois, de comme d'habitude, ce qu'on aime faire, tu vois, de faire participer d'autres personnes au projet et d'apporter leur regard à eux, leur pratique à eux, sachant qu'en plus, là, sur les 8 personnes donc, qui ont fait des illustrations, ils ont travaillé, ils ont tous un style vraiment différent. Et ce qui est assez génial en plus, c'est que même en ayant des choses, en ayant demandé à des gens vraiment très différents de plusieurs pays, ben, au final, on s'est retrouvé avec quelque chose de très homogène au final, tu vois, et de super intéressant. Enfin, et ça a été une collaboration ultra simple en plus. Donc, ça, tu vois, ça fait plaisir justement, tu vois, dans un contexte en 2020 où on se voit plus énormément, là, enfin, c'est compliqué d'avoir des contacts. Là, pour le coup, on a réussi, tu vois, à avoir un album où on est une bonne vingtaine, tu vois, à avoir participé en tout. Et ça, c'est franchement, c'est plutôt génial. Et c'est comme ça, en fait, que nous, enfin, moi et tous les autres, tu vois, on voit Willful, c'est vraiment, tu vois, une sorte de collectif. On fait quelque chose, tu vois, de punk et puis de vrai. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter quand même, parce que ça... Oui, tu as raison, c'était très important. Et moi, je vais rajouter un truc. Donc, on peut trouver cet album donc, sur les plateformes de téléchargement Bandcamp et je ne sais pas. Moi, je sais que c'est Bandcamp. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant que tu le dises, c'est où on peut trouver cet album physiquement. Eh ben alors, physiquement, ben alors, c'est très simple. Physiquement, tu peux le trouver sur Bandcamp. C'est là pour le moment. Ouais. Il va y avoir une nouvelle boutique que je vais ouvrir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Mais sinon, c'est sur Bandcamp parce que du coup, en fait, ça assure quelque part, tu vois, l'acheteur ou l'auditeur que à chaque fois qu'il donne de l'argent, c'est pour le groupe. Tu vois, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. Et ça, on y tient. Sinon l'album il est vraiment disponible à l'écoute partout, hein, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, il n'y a pas de problème, vous pouvez le télécharger illégalement, il n'y a aucun souci. voilà, moi je suis plus, il faut faire tourner l'album, tu vois, c'est pas un souci. Et les gens qui veulent soutenir la plupart du temps ils le font, donc c'est ça. j'ai vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça, quoi. Mais ouais, voilà, pour soutenir le groupe, c'est du coup actuellement, il faut aller sur Bandcamp, voilà. Voilà, donc une interview de Willful en 3 morceaux. Donc je vous rappelle, hein, Spectre is Haunting the World, très très bon album, donc qui est leur dernière galette en vente. N'hésitez pas à l'acheter. Allez, on poursuit donc l'émission et vous savez, il y a traditionnellement toujours un morceau, c'est du métal, mais c'est pas du métal. Là, ça va être du Rammstein, Du Riss So Good. Un groupe russe ou à la musique russe. Bah, vous en ferez vous-même une idée. Thank you. donc un morceau de Rammstein assez surprenant. Allez, les sorties à venir. Les sorties à venir d'albums, hein, forcément. Donc, le 12 février, nous avons The Dead Daisy avec Holy Ground. Fin février, l'architecte, maintes fois repoussé, For Woes That Wish To Exist. Epica, donc, sort aussi son nouvel album qui s'intitule Omega le 26 février, toujours le 12 février. Le Pretty Reckless, Death by Rock and Roll, sortiront leur nouvelle galette. Toujours le 12, Sirena, Riddles, Ruins and Revelation. Toujours le 12, Sacred Reich, Sacred Reich, Surf Nicaragua sort aussi son nouvel album. Enfin, le 26, on a la nouvelle galette de Moonspell avec Héritage. Et enfin, le 20e anniversaire de Waipony, la réédition des Deftones. Très très bel album dont on avait déjà fait la critique l'année dernière. Allez, on va écouter les Pretty Reckless, avec en duo avec Tom Morello, And So It Went. C'est parti. Forgiveness was such a waste of time. And the bullets start to fly, and the bow's about to break. When you hear them cry, it's too much for me to take. They said the world does not belong to you. You are not the king, I am not the fool. They said the world does not belong to you. It don't belong to you. It belongs to me. And so it went. The children lost their minds, crawling over bodies of those who gave their lives. And the fists began to flow, to blaze. Don't you think they know they're fucking human rights? They said the world does not belong to you. You are not the king, I am not the fool. They said the world does not belong to you. It don't belong to you. It belongs. But you're much too close to me. You're much too close to me. They said the world does not belong to you. You are not the king, I am not the fool. They said the world does not belong to you. It don't belong to you. It belongs to you. The world does not belong to you. You are not the king. donc les Pretty Reckless, toujours un bon vieux rock, bon vieux metal rock, hard, toujours très sympa à écouter. Allez, une autre nouveauté, donc c'est le mois Serge Tankian après le système. Serge Tankian nous a gratifié d'un nouveau morceau, Elasticity. On annonce d'un album solo à venir au mois de mars. Allez, bah Elasticity, ça va tout de suite se passer, c'est tout frais, hein. C'est il y a 2-3 jours, pas plus. Allez. Serge Tankian, Elasticity. Voilà, ça se termine. On va pas se quitter comme ça, hein, puisqu'on va passer un petit Nervosa avec Guy de Bayeville de leur dernier album. Le prochain rendez-vous, c'est le lundi 8 mars. Allez, ciao, ciao.